Bonsoir à toutes, bonsoir à tous et bienvenue pour cette nouvelle édition de l'heure des loups, la quotidienne de 18h à 19h sur Radio Gémozo. Et aujourd'hui on est vendredi, et qui dit vendredi dit billet de sortie. Comme d'habitude, hein, c'est un florilège d'interviews, d'annonces, d'événements à venir. Hein, je répète, cette liste n'est pas exhaustive. Hein. Je vous donne tout ce que j'ai sous la patte. Mais en attendant, hein, si vous voulez d'autres informations complémentaires, n'hésitez pas à passer sur la page Facebook. Donc je disais des annonces d'événements, des interviews aussi pour des annonces d'événements et quelques pauses musicales. Hein, comme d'habitude, de toute façon, vous me connaissez. Et on se retrouve après pour la conclusion. En attendant, bonne écoute du billet de sortie. On va commencer ce billet par la rubrique sortie culturelle. Donc on va commencer par un atelier d'écriture, un dernier atelier d'écriture avant les vacances d'été à la menuiserie du bois au cœur à Granges sur Vologne le samedi 7 juillet à 14h. La réservation est obligatoire pour une question d'organisation auprès de l'adresse mail kgavoil, donc kgavoil@gmail.com. On va passer exposition avec la Maison de la Bresse qui organise un vernissage le vendredi 6 juillet à 19h autour de l'artiste peintre Anita Roturo pour l'exposition Allégorie flamboyante. Hein, c'est un vernissage ouvert à tous avec par la suite bien entendu pour tout l'été des expositions d'art. Mais je vous renvoie vers l'émission que Lia a fait mercredi pour en savoir plus sur cette programmation de l'été. Quand on parle de marché de pays ou marché aussi artisanal, pour moi je pense forcément à la rubrique culture et le samedi 7 juillet de 10h à 21h à la route des Tourbières à La Forge aura lieu un marché. L'entrée sera gratuite, le parking sera accessible à tous, il y aura restauration sur place et on pourra y trouver de l'artisanat, du marché du terroir, des salons de bien-être, des ateliers, des conférences et aussi portes ouvertes de maisons d'assistantes maternelles et parmi eux, du moins ceux que je connais de nom, au moins la parenté boutique et l'école Montessori du Colibri seront présents et bientôt bien d'autres encore. Rendez-vous sur la page Facebook de l'événement pour un salon, un marché bien-être. « Quand on parle de culture, vous me connaissez bien entendu, vous connaissez un petit peu le parc de Wasserlin pour son magnifique jardin. Et ils organisent ce week-end un événement, une fête du patrimoine industriel pour sa 10e édition. Mais pour en savoir plus, je vous laisse, ou je laisse plus particulièrement la parole à Irina de Wasserlin, tout simplement, qui nous en dira un petit peu plus à ce sujet. On retrouve le parc de Wasserlin pour un événement qui a lieu ce week-end, ou plus particulièrement dimanche, la fête du patrimoine industriel. Et pour cela, j'ai Irina au téléphone. Bonjour Irina. Bonjour. Alors, dites-moi, c'est vrai qu'on connaît un petit peu Justine Ballant qui travaille au sein de la communication. Vous êtes aussi dans la même branche qu'elle ? Alors non, pas du tout. Moi, je suis la nouvelle chargée de projet culturel du parc. D'accord. Ah bah très contente de faire votre connaissance. Bah tout de même. Et donc oui, si vous êtes au téléphone avec moi aujourd'hui, c'est pour annoncer la fête du patrimoine qui a lieu dimanche. Fête du patrimoine industriel, je rectifie. Voilà, c'est ça. Donc le parc de Wasserlin organise pour la 10e fois la fête du patrimoine industriel au sein du parc de Wasserlin. Donc ça va être une journée animée et pleine de surprises où le patrimoine textile va être mis à l'honneur. Et donc concrètement, qu'est-ce qui va se passer ? Ce sera que dimanche toute la journée ? Voilà, alors c'est dimanche de 10h à 18h. Donc c'est un événement qui va avoir lieu dans les friches industrielles du parc. C'est un événement gratuit, mais donc toutes les animations dédiées à la fête du patrimoine industriel vont être gratuites. Par contre, l'entrée au musée et au jardin et à la grande chaufferie est payante. Dans le cadre de cette fête du patrimoine industriel qui aura lieu donc dans les friches, nous aurons une démonstration des graffitis géants, ainsi que des ateliers de graffiti. Il y aura des découvertes insolites, une exposition photo, il y a deux visites guidées tout au long de la journée, il y a des ateliers autour du fil, et pour finir, il y aura un concert de musique d'un groupe local, les écureuils volants, à 17h. Voilà, donc ça c'est le gros du programme. Voilà. Vous pouvez peut-être que les auditeurs ont peut-être envie de cibler juste un événement, par exemple la démonstration de graffiti, ça va se passer à quelle heure précisément et où ? Alors, c'est toujours dans les friches, donc et ça va être des 10h à 17h, pardon. Et c'est cette démonstration, c'est elle est faite par un artiste professionnel pardon du graffiti, Rogan Stevens. Donc ça va être sur un mur industriel et c'est ce qu'il va faire, ça va être une skyline autour d'un mot qu'on va choisir, qui va être en lien avec le patrimoine. Et tout de même, il y aura aussi une animatrice qui va essayer aider les gens à découvrir cette technique du graffiti à l'aide des pochoirs. Mais d'ailleurs, vous avez dit que ça va se passer à la friche, donc toute la fête du patrimoine industriel va se passer à la friche industrielle, hein ? Exactement. Cette année, on a décidé de délocaliser toute cette fête au sein des friches. C'est un endroit peu connu et on veut le mettre à l'honneur, tout simplement lors de cette journée. Et comme vous parlez de friche qui a longtemps été inutilisée, qu'est-ce que c'était avant ? Alors, il reste, donc le grand bâtiment, c'était l'ancien bâtiment de tissage, et il reste encore également une petite chaufferie, un gazomètre et la cheminée carrée qui est très emblématique pour le lieu. Et d'ailleurs, tant que j'y pense, hein, toutes les animations vont se passer à la friche industrielle. Aucune des animations pour cette fête n'aura lieu dans les jardins ou le musée. Alors, si par contre il y aura une dégustation des produits locaux proposés par l'entreprise Consimag, et ça va être à l'accueil du musée. Oui. À la grande chaufferie, les gens pourront discuter des 14h à 18h avec un ancien salarié de l'usine. Pour savoir comment ça se passait autrefois, c'est ça ? Exactement, pour qu'il explique un peu le fonctionnement de la grande chaufferie et voilà son expérience à lui au sein de l'usine. D'ailleurs, tant que j'y pense, hein, les jardins et le musée sont toujours ouverts et la grande chaufferie aussi. En parlant du jardin, il y a le festival des jardins métissés qui a déjà commencé, non? Tout à fait, oui, exactement. Il y a le jardin de, enfin, le festival des jardins métissés qui est en cours. Par contre, je sais plus exactement à quelle date ça. Alors, j'ai le site sous les yeux, hein, c'est ça d'avoir D'accord. deux ordinateurs. Donc, c'est du 3 juin au 14 octobre, tous les jours de 10h à 18h. Et si je ne me trompe pas, le thème de cette année, c'est le Japon. Tout à fait. Le Japon est mis à l'honneur dans les jardins. On a également aussi une exposition autour du Japon dans le musée et la grande chaufferie a aussi un parcours avec des tentes japonais. Voilà, et jusque-là, ça se passe bien, l'affluence est toujours bonne comme chaque année. Oui, on est très contente de la fréquentation et on a de très bons retours. Et pour l'instant, c'est une très bonne année. Ah bah écoutez, j'en suis très contente, hein. En tout cas j'informe les auditeurs que je passerai faire un tour à Wesserlin ce week-end, pour ceux qui veulent me rencontrer ou simplement voir ce que j'irai voir à mon tour. Et pour plus d'informations, vous pourrez aller sur la page Facebook du Parc de Wesserlin ou sur le site www.parc-wesserlin.fr. Oui, je pense que c'est tout ce qu'on a à dire, Irina. Oui, je crois. Bah écoutez, merci beaucoup pour votre contribution. Un bon week-end et bon courage pour la fête du patrimoine industriel. Merci beaucoup, au revoir. Au revoir. I'll never let you go. I'm not gonna lose you, I'm not gonna hurt you. Quand on parle des jardins de Wasserlin aussi, on pense à l'écologie et c'est un petit peu vers ce en quoi on va se tourner, vu qu'il y a un atelier conférence, le plaisir de cultiver un jardin au naturel, organisé par l'association Pas à Pas. La vallée de la Weiss en transition propose un atelier conférence qui sera animé par Alain Perrichon, ancien responsable des jardins de Wasserlin justement. Cet atelier se déroulera le samedi 7 juillet à 17h à la maison des associations de La Baroche, au rez-de-chaussée, et Alain nous parlera d'un jardin potager et aussi d'agréments ou des méthodes de culture qui sont douces, non polluantes et pleines de bon sens. Il nous présentera des approches pour favoriser la biodiversité au jardin et profiter d'un espace à la fois productif et en harmonie avec son environnement. Au préalable, à l'atelier conférence, une visite guidée du jardin pédagogique de l'école maternelle de La Baroche est proposée de 16h30 à 17h. Rendez-vous à 16h20 devant la maison des associations. Un verre de l'amitié clôturera ce temps passé ensemble autour du jardinage. Venez nombreux. Et pour en savoir plus, vous pouvez contacter l'association à l'adresse mail jardin@transition-pasapas, donc pasapas.org, ou sinon vous pouvez aller sur leur site internet transition-pasapas.org. Les vacances approchent et même en effet elles commencent dès ce soir, mais ça n'empêche pas le collège, le théâtre du collège Charlet d'organiser quelques représentations. En effet, vendredi à 21h, il y aura On s'arrête où, et je vais vous lire la synopsis. Donc On s'arrête où, ce sont des textes de Annie Saumon, Pierre Desproges, Martin Barbe, dits par Elliot et Carla Abid, Thomas Chevalet, Benoît Chipot, Baptiste Ininger, Mallory Pril, Lilia, Naoam Rodriguez, Noza Trablessi et Macéos Valentin, mise en scène par Gilles Maréchal. C'est d'une durée de 50 minutes. Puis ce sera après On s'arrête tout, ce sera suivi de Minotaurus Projet. Donc je vous lis encore une fois la synopsis. Donc c'est une création de Thibaut Géin qui dure environ 40 minutes. C'est un cofondateur et habitué de la Cucaracha, aujourd'hui résident à Bruxelles. Thibaut de 2001 à 2008, donc le créateur de cette pièce de théâtre, a été pensionnaire du Charlet Théâtre avant de partir 4 ans pour l'Argentine refaire sa formation. Et cette année, c'est un spectacle en solo qu'il propose. Puis on va passer à samedi, donc le 7 juillet à 18h30 et 21h, il y aura la représentation du Sable dans le lit, comme dimanche 8 juillet à 17h. Et pour la synopsis, donc c'est 2 ou 3 mois durant, après le bel été 2017, Angela, dite Gina, et Martin, on dirait l'auteur, ont tenu une correspondance originale aux dessins ou peintures de l'une qui répondait aux textes de l'autre et inversement selon les élans de leur commune douce folie, partiellement simulée ou intégrée. La première publication de cette correspondance nous semble pouvoir être un geste théâtral où les mots désormais interprétés retrouveraient naturellement le décor qui les avait inspirés ou illustrés. Un geste de théâtre plus qu'un spectacle devant lequel le public, quelques curieux, devraient se promener ou s'asseoir et, nous l'espérons, partager cette étrange poésie où se mêlent et se répondent fièvre et esprit d'enfance, surtout plus que de sérieux, où la cruauté est drôle, l'inquiétude stimulante et le monde sens dessus-dessous, évidemment. Pour en savoir plus, hein, il y a un pass festival disponible à 15€ ou à 10€ pour les étudiants, et sinon chaque spectacle a une entrée à 10€ et pour les étudiants c'est à 5€. Les renseignements et les réservations se font au 06 77 75 51 86 ou au 06 25 05 94 33. On passe maintenant à la rubrique festival avec Épinal Bouge l'été. Et pour en savoir plus, j'ai eu Isabelle Sartori au téléphone qui nous en dit un peu plus. En été, c'est la saison des festivals et des événements et Épinal n'est pas en reste avec son festival Épinal Bouge l'été. Et pour en savoir plus sur ce festival, hein, j'ai Isabelle Sartori au téléphone, directrice du festival. Bonjour Isabelle. Bonjour. Alors, dites-moi en plus, déjà avant toute chose, le festival Épinal Bouge l'été, ça fait un moment qu'il existe maintenant, non ? Ah oui, c'est déjà une belle histoire, hein, qui a commencé en 2002, donc qui se poursuit. On est dans la 16e saison, en fait, hein, 16e édition de ce festival qui permet à tous de profiter pendant tout l'été de concerts gratuits le vendredi Place des Vosges et de spectacles pour tous, pour les familles, enfants, adultes, le mercredi à 15h au Parc du Château. Et d'ailleurs, dites-moi, vous êtes à l'origine du projet tant qu'on y pense ? Alors, d'Épinal Bouge l'été, oui, ben, j'avais fait des propositions au maire, bien sûr, d'Épinal, qui a dit oui sur cette formule qui permet d'avoir un lieu unique pour le vendredi, un lieu unique pour le mercredi, ce qui permet aussi de fidéliser le public. Et c'est une formule qui a fait ses preuves et qui perdure. Donc voilà, et dont la ville d'Épinal est fière. Et puis ça permet aussi, puisque l'entrée est tout à fait gratuite, de proposer vraiment des événements quand même culturels de haute volée à un public le plus large possible, parce que c'est ça qui est important aussi. Donc on s'adresse vraiment à tout le monde, les jeunes, les ados, les adultes, les personnes âgées, les handicapés, tout le monde est bienvenu à ce festival pour faire des rencontres artistiques fortes. Ah, d'ailleurs, Tanguy, je vous y pensais, vous avez soulevé un très très bon point sur les personnes à mobilité réduite, elles ont accès. Oui, bien sûr. Et puis on s'arrange toujours pour qu'elle profite au mieux de ces rendez-vous. Donc, vous savez, Place des Vosges, de toute façon, il y a des bancs qui sont posés pour les personnes qui ne peuvent pas supporter d'être debout pendant 2 heures. Voilà. Et puis les personnes à mobilité réduite, on leur trouve toujours une place. Donc, il n'y a pas de souci là-dessus. En effet. Et oui, donc ça fait déjà 16 ans que vous faites tout ça. Et le but, j'imagine, comme vous l'avez dit, c'est de démocratiser la culture et de créer un rendez-vous habituel aux spinaliens. Oui, et de rendre accessible au plus grand nombre ces concerts, de faire des découvertes artistiques aussi, parce que c'est le but. Donc avec des rendez-vous et des genres très diversifiés pendant tout l'été. Et puis c'est des rencontres avec des musiciens qui sont des vrais musiciens de scène, qui sont très généreux, ça c'est important. Et puis avec des répertoires qui sont fédérateurs, parce que le public est tellement varié qu'il faut trouver des répertoires fédérateurs. Donc c'est ce qui compte dans ces rendez-vous d'Épinal Bouge l'été. Et en parlant de répertoires fédérateurs, hein, si je vous ai au téléphone aussi, c'est pour annoncer les premiers événements, vu que Épinal Bouge l'été, c'est un festival qui dure du 6 juillet au 24 août. Donc toute la période des vacances scolaires, et il y en a déjà qui commencent ce vendredi et mercredi à venir. Est-ce que je vous laisse les annoncer ? Oui, alors donc on démarre ce soir carrément à 21h donc sur la place des Vosges, puisque la météo est clémente, je pense que ça va le rester d'ailleurs. Donc rendez-vous place des Vosges à 21h. Pour une immersion dans le monde du blues, parce qu'on aime beaucoup le blues à Épinal Bouge l'été, et le public aime également beaucoup ce style de musique, et l'apporté par un jeune artiste qui est vraiment à découvrir, il s'appelle Flo Bauer. Il est guitariste, il est chanteur, il écrit également, il a une voix en or. Et donc il vient là avec sa bande au complet, à savoir donc la section cuivre, trombone, trompette, saxophone. Il y aura également évidemment la basse batterie. Et puis n'oublions pas également les chœurs. Donc 9 musiciens chanteurs réunis sur la scène de la Place des Vosges pour partager ce grand moment de blues avec un bon coup de jeune au blues avec Flo Bauer. Donc c'est vraiment un rendez-vous à ne pas manquer et puis digne pour démarrer comme il se doit cette édition d'Épinal Bouge l'été. En effet, vu que c'est là que ça commence, un vendredi 6 juillet à 21h à la Place des Vosges. D'ailleurs, tant que j'y pense, c'est vrai que vous avez parlé de lieux uniques, donc tous les vendredis à la Place des Vosges et tous les mercredis au Parc du Château. On n'a pas trop parlé de l'horaire qui me semble aussi unique, les vendredis à 21h et mercredis à 15h. C'est vraiment, encore une fois, pour fidéliser la population. Oui, tout à fait. Et ce qu'il faut préciser également, c'est qu'il n'y a jamais d'annulation à Épinal Bouge l'été. Donc en cas de mauvais temps, ça peut arriver pendant l'été tout de même, il faut l'admettre. Donc il y a un repli qui est opéré à l'auditorium de la Louvière, qui est une salle d'une capacité de 600 places environ, qui est située en plein cœur de la ville. Donc que ce soit le mercredi ou le vendredi, si la météo ne le permet pas, on se retrouve dans cette salle, dans cet auditorium de la Louvière. Donc on n'annule rien, ça aussi c'est très très important. C'est en effet très important, et ce qui est important aussi c'est d'annoncer l'autre événement qui aura lieu mercredi 11 juillet. Je vous laisse aussi l'annoncer. Oui, on va retrouver donc la fanfare Couffetard, donc pour un bal. Alors c'est le bal des Crapiaux, mais je vous rassure tout de suite, c'est un bal qui va entraîner les petits comme les grands, donc n'hésitez pas, même si vous n'avez pas d'enfants, vous pouvez venir nous rejoindre au parc du château à partir de 15h, il n'y a aucun souci. Si vous avez envie de danser, si vous avez envie d'écouter de la musique très variée, parce que là, il y aura des musiques de l'Est, mais il y a également du rock, il y a également des choses très très sympas avec la fanfare Couffetard, qui va nous permettre de nous éclater, de danser, de chanter, et voilà, pour bien démarrer là les rendez-vous du mercredi après-midi, c'est un bal qui ne se rate pas. En effet, hein, on peut dire que Épinal bouge l'été commence sur les chapeaux de roue avec un concert de blues vendredi 6 à 21h et un autre concert dansant mercredi 11 à 15h. Hein, pas d'enfants, de famille. Faut pas dire enfants parce que c'est vraiment des rendez-vous pour les familles, les adultes comme les enfants. Il faut pas réserver aux enfants, c'est vraiment famille. En effet, je voulais surtout dire bon enfant. En fait, c'est ma langue qui a fourché. Ça sera bon enfant, c'est sûr, mais c'est pour les familles. C'est pour les familles, en effet. De toute façon, j'annoncerai les autres événements. Je ne sais pas s'il y a une autre chose qu'il faudrait qu'on annonce aux auditeurs tant qu'on y est. Alors, signaler simplement que le vendredi 13 juillet, il n'y aura pas de concert d'Épinal Bouge l'été, mais qu'il y aura les festivités, bien sûr, réservées au 14 juillet. Oui. Donc, il y aura sur la place des Vosges le bal du 13 juillet, bien évidemment. Il y aura les festivités consacrées à cette grande manifestation. Et on se retrouvera, nous, en ce qui concerne les concerts d'Épinal Bouge l'été, le vendredi 20 juillet, avec un groupe, un ensemble de danseurs et chanteurs venus tout droit de Russie, qui s'appelle le Cosaque. Et ça, c'est un très très beau spectacle aussi à ne pas manquer. Et puis dire également que les gens seront vraiment très diversifiés, qu'on va voyager, on ira en Italie, on ira également en Angleterre à l'occasion de ces rendez-vous Épinal Bouge l'été. Donc si vous ne connaissez pas le nom des groupes Caslantienne, on est là aussi pour faire des découvertes, on est là pour éveiller la curiosité et on est là pour faire des vraies rencontres artistiques entre le public le plus large et des artistes qui ont vraiment du tempérament, qui savent ce qu'est la scène. Et ça, c'est primordial. C'est en effet primordial. Et si un auditeur a peut-être envie d'avoir plus d'informations qu'on ne lui a peut-être pas données, vous avez peut-être un site internet ou une page Facebook pour le festival. Oui, alors en fait, je vais vous donner un numéro de téléphone et un mail, comme ça. Donc, on peut appeler au 03 29 68 50 23 pour des renseignements sans aucun problème. Et puis, on peut m'envoyer un mail et je peux envoyer le programme complet par retour de mail également. isabelle.sartori@epinal.fr. Voilà, et on est à votre disposition complète. Bah écoutez, je vous remercie beaucoup Isabelle pour toutes ces informations. Je pense que les auditeurs ont tout ce dont ils ont besoin. Bon courage hein, pour ce festival que je continuerai de toute façon d'annoncer tout l'été. Et puis voilà, je vous souhaite merci une bonne beaucoup. Journée. Merci à vous Lou et à bientôt. À bientôt. Bonne journée. Merci de même, au revoir. Au revoir. Samedi 7 juillet, on passe à un autre festival, un autre événement. Ce sera l'eau dans tous ses états à Épinal, hein, de 10h30 à 19h à Hydro-Épinal, donc sur l'ancien site Bragard. Ce sera une journée porte ouverte sur la turbine d'Épinal, qui peut d'ailleurs alimenter jusqu'à 500 foyers, hein, c'est pour la transition écologique. Il y aura des tables rondes, des débats autour de l'eau, avec restauration sur place et entrée gratuite. Et je vous fais rapidement le topo des débats et des conférences. Donc à 10h30, il y a l'accueil à Hydro-Épinal, puis de 11h à 11h30, c'est une première visite commentée du site de la centrale. Puis de 11h30 à midi, ce sont des allocutions de coopération nouvelle. Midi, pot de l'amitié. Repas convivial ensuite, restauration bio locale sur place, aussi possible pour les végétariens. Puis à partir de 13h30, ce sera une deuxième visite commentée du site de la centrale. Puis les choses sérieuses commencent. À partir de 14h, ce sera une table ronde animée par Itinéraire BIS. Donc donc le thème sera le citoyen au cœur des transitions multiples du territoire. Puis à 15h, ce sera une conférence, un débat sur l'avenir de la nappe phréatique à Vittel. Par Vosges Nature Environnement, et vous souvenez, je pense, de l'émission que j'ai fait avec eux. D'ailleurs, je vous passe le bonjour, tant qu'à faire. Puis à 16h30, il y aura une conférence sur la mémoire de l'eau d'hier à aujourd'hui. Enfin, à 17h30, ce sera une conférence sur l'eau dans tous ses états. Donc, l'eau d'un point de vue beaucoup plus scientifique. Voilà, ça, ce sera pour ça. Et tout au long de la journée, il y aura une dégustation de différents types d'eau et d'autres animations en tout genre. Donc, pour la journée l'eau dans tous ses états, samedi 7 juillet de 10h30 à 19h à Hydre-Épinal sur l'ancien site Bragard. What is love? Baby, don't hurt me no more. ensuite, au lac de Pierre-Percé aura lieu le festival de la voie verte et de la biodiversité. Et j'ai eu pour en savoir plus Clémence au téléphone, qui vous en racontera beaucoup plus que moi à ce sujet. Tout le monde connaît de nom la voie verte, hein, cette voie anciennement, je crois, sur les chemins de fer qui traverse, donc qui va de Bussan à Armiremont et qui refait le tour et qui va jusqu'à Cornimont. Si je ne m'abuse, eh bien ce week-end, ça va être sa fête le dimanche 8 juillet 2018 au lac de Pierre-Percé. Et pour en savoir plus, j'ai Clémence à l'appareil. Bonjour Clémence. Bonjour. Alors, racontez-moi un petit peu plus sur ce festival de la voie verte et de la biodiversité. Alors, le Festival de la Voie Verte, c'est une journée d'animation, donc à destination des familles, des parents, des enfants qui veulent passer une journée sympa. Donc, c'est entièrement gratuit. On propose tout un tas de jeux, d'ateliers, de choses assez originales. On a des marionnettes géantes, on a des ludothèques, on a des parcours pieds nus, des ateliers de réparation de vélos. On a des animaux aussi, puisque le thème, c'est la biodiversité, et la diversité aussi d'ailleurs. Donc des animaux, des chiens de traîneau, des balades en poney, on a des moutons, on a pas mal de choses comme ça. Et puis du théâtre aussi, théâtre de rue en déambulation, des conteurs, des concerts l'après-midi et le soir. Donc voilà, pas mal de choses à faire sur cette journée. Oui, sur cette longue journée de dimanche, déjà en espérant qu'il y ait le beau temps vu que ça va se passer dehors, on va peut-être aller un petit peu plus dans le détail. Donc ça commence à 10 ou 11 heures le matin. Alors ça commence, nous, à partir d'11 heures. D'accord, et donc ça va commencer avec un temps fort ou... Alors je vois qu'il y a des concerts qui seront plus le soir, à 18h ce sera Barzingo et à 19h ce sera les Vents Passent. Oui. Mais tout au long de la journée, est-ce qu'il y aura d'autres temps forts ou c'est plein d'animations qui seront ouvertes à tous, de l'ouverture à la fermeture du festival? Alors les animations sont ouvertes à tous sur tout le long de la journée, puisque le but, comme le festival se déroule le long de la voie verte, le but c'est de faire découvrir cette voie qui traverse justement la vallée de la Plaine et qui passe au bord des lacs de Pierre-Percé. Donc le but c'est de faire circuler le public et que le public puisse apprécier tout le parcours et toute la journée. Et est-ce qu'il y aura des choses comme, je sais pas, des promenades à vélo aussi qui seront organisées? Alors j'ai entendu l'atelier de réparation, c'est une très très bonne chose, mais oui, d'autres choses autour du vélo? Alors, on a pas mal d'animations autour du vélo, oui. Alors déjà, on a le pôle sport nature qui est sur place, hein, qui est la base de loisirs du lac de Selles-sur-Plaine, donc qui est ouvert ce jour-là et qui propose ses activités habituelles, dont de la location de vélo, de trottinettes électriques, des choses comme ça. Et puis nous, on a des prestataires, enfin des partenaires qui sont avec nous depuis le début. Donc là, l'atelier de self-réparation de vélo, en l'occurrence, c'est une association de Saint-Dié-des-Vosges qui s'appelle L'Engrenage, et qui propose aux gens d'apprendre à réparer son vélo, qui fait du prêt aussi également sur place. Et puis on a les cycles triquets qui viennent aussi avec un stand pour proposer du vélo à assistance électrique. Oui, en effet, mais d'ailleurs dites-moi, oui, ça va se passer à Raon-l'Étape, donc ce sera aussi, question bête, par rapport à la voie verte de Raon-l'Étape et pas notre voie verte dans la plaine des Ballons. Ah non, rien à voir du tout. Non, là c'est la voie verte donc qui va de Raon-l'Étape jusqu'au Donon en passant par les lacs de Pierre-Percé. Donc effectivement, c'est pas tout à fait le même territoire. J'ai bien fait de poser la question parce que j'ai tilté l'espace d'un instant, mais après tout oui, il faut s'occuper de toutes les voies vertes dont celle de Raon-l'Étape, hein, Raon-l'Étape qui est, je le rappelle, un petit peu plus au nord-est, oui, d'Épinal. Comme ça on se situe un petit peu. Et oui, donc la journée sera ouverte à tous, et en parlant de tous, c'est vrai que c'est une question que j'aime bien poser quand il y a des événements organisés avec nourriture. Est-ce qu'il y aura à manger pour tout type de régime alimentaire? Alors, on essaie de faire plaisir au plus grand nombre. Donc, on a de quoi manger sur le secteur sans problème. De quoi manger de façon très très variée. Je pense qu'effectivement on a prévu de quoi satisfaire tout le monde, des glaces artisanales bio aux pizzas, en passant par évidemment le pâté lorrain et puis les produits locaux. On a aussi un marché artisanal sur place avec des producteurs de la vallée et du territoire, donc du miel, des choses comme ça, de la bière artisanale, enfin voilà, pas mal de choses à déguster tout au long de la journée. En effet, donc là, il y aura vraiment pour tout le monde. Et est-ce qu'on est venu un petit peu sur le détail de quelques animations qui pourraient y avoir ce week-end à Raon-l'Étape ? Sur le festival ? Oui. Oui, alors, le but, nous, c'est de mettre en place des animations qui retiennent l'attention, qui sont des choses insolites qu'on ne voit pas partout, qui sortent un petit peu de l'ordinaire. Donc, on fait venir pour la troisième année consécutive une association qui fabrique des marionnettes géantes. Donc, on en a une qui s'appelle Vulcao, qui fait plus de 3 mètres de haut et qui circule sur la piste, donc qui est assez remarquable, qui plaît beaucoup aux gens. Et donc, eux, ils viennent avec 2 marionnettes. La deuxième, on ne la connaît pas encore, c'est une nouvelle qui vient d'être fabriquée. Donc, on va la découvrir en même temps que vous. Et puis, on a aussi des jeux, donc Roule ma boule. Donc, ça, c'est un parcours en bois. Donc, une personne qui a créé de toutes mains ce parcours. C'est un parcours de billes, en fait, géant. Et qui propose aussi un parcours pieds nus. On a un atelier de création de jouets avec du carton recyclé. On a un atelier, enfin une ludothèque qui propose des jeux réalisés à partir de meubles recyclés. Donc voilà, pas mal de choses assez insolites et assez qui retiennent l'attention, on va dire. Oui, en effet, il y en a pour tout le monde, pour tous les goûts, hein, et effectivement pour la famille. Comme je le disais, ça va commencer à 11h et ça se finira après le deuxième concert qui débute lui à 18h vu qu'il y a 2 concerts. Donc Barzingo, que pouvez-vous me dire sur ce groupe-là ? Alors Barzingo, c'est assez indescriptible, il faut le voir pour le croire, c'est un groupe, alors ils sont 7 sur scène, avec un chanteur très atypique, c'est de la chanson française, un mélange, comme indiqué dans le programme en fait, un mélange d'Igelin, de Brassens, TFN et Desproges, donc assez explosif, et donc c'est un habitué de notre festival qui vient régulièrement, qui travaille avec nous aussi, qui est devenu... qui fait partie des proches maintenant et qu'on remercie et qui sera pour la première fois sur scène pour ce festival. Il œuvre avec nous dans les coulisses depuis quelques années maintenant. Donc voilà pour ce groupe à découvrir. En effet, à découvrir. Et à 19h, Barzingo sera succédé par Les Vents Passent. Qu'en est-il d'eux ? Je crois, il me semble, s'ils sont des punk alternatifs, c'est ça ? Oui, c'est ça, c'est ça. Donc là, punk des années 80, donc génération qui remporte beaucoup de succès et qui risque de mettre le feu sur scène au bord de la plage. En effet, ça donne envie. Alors pour tout auditeur qui aurait peut-être envie de passer une belle journée au lac de Pierre Percée pour le Festival de la Voix Verte, ce sera le dimanche 8 juillet au lac de Pierre Percée, donc du côté de Raon-l'Étape tout simplement. J'imagine que le parcours sera fléché pour pouvoir se rendre là-bas sans aucun problème. Oui, il y a des grands panneaux qui sont installés au bord des routes. Il y a de quoi venir sans problème. On suit de toute façon la direction des lacs de Pierre Percée. Et puis quand on voit qu'il y a beaucoup de voitures et qu'on peut plus se garer, ben c'est qu'on est au bon endroit. En effet, je précise que c'est entièrement gratuit toute la journée, toutes les animations, les concerts y compris, c'est une journée entièrement gratuite. Voilà. C'est bien de le rappeler. Bah écoutez, merci beaucoup Clémence, pardon, pour toutes ces informations. J'imagine qu'on a dit tout ce qu'il y a à dire. J'en ai certainement oublié, mais on va dire qu'on est pas mal. En tout cas, pour ceux qui veulent en savoir plus, j'imagine qu'il y a peut-être une page Facebook ou un site internet pour le festival ou l'office de tourisme. Alors, il y a une page Facebook Festival de la Voix Verte et Théâtre en plein air, puisqu'il y a une deuxième manifestation qui se déroule, elle, sur tout l'été, qui s'appelle le Théâtre en plein air, qui est lié au festival, mais pas tout à fait dans le même... Là, c'est un spectacle tous les dimanches à 17h. D'accord. Bah écoutez, merci beaucoup. Hein. On a bien reçu d'ailleurs votre communiqué, donc ce sera transmis tous les vendredis soirs. Les auditeurs ont l'habitude. En tout cas, Clémence, merci beaucoup pour votre temps et pour vos informations. Et bon courage pour le Festival de la Voix Verte. Merci à vous. Bonne journée. Merci de même. Au revoir. À bientôt. Au revoir. Vous en doutez bien entendu, hein. Après tout, j'ai fait courant de la semaine une émission sur les nancyphonies, donc comment ne pas les annoncer ? Donc, pour les nancyphonies, vous le savez, un festival de musique classique à Nancy. Et ça va commencer avec des fantaisies orchestrales en concert d'ouverture, samedi 7 juillet à 16h à la salle Poirel à Nancy. L'entrée coûte entre 10 et 30 euros. Ce sera un orchestre fait par l'Harmonie de la Garde républicaine avec Hugues Leclerc au piano, Hugues que j'ai reçu hier dans mon émission tout simplement jeudi, et à la direction ce sera le lieutenant-colonel Sébastien Billard vu qu'en effet ce sera l'orchestre d'harmonie de la garde républicaine. Donc il y sera joué du Debussy, hein, La Mer, le prélude à l'après-midi d'un faune et la fantaisie pour piano et orchestre. Puis ce sera le jeudi 12 juillet l'Orchestre National de Lorraine qui jouera à la Salle Poirel à Nancy. Ce sera autour de Dvorak, surtout sur sa Symphonie du Nouveau Monde. Donc les entrées se font encore une fois de 10 à 30 euros. Et comme je le disais, ce sera joué par l'Orchestre National de Lorraine et Sébastien Hurteau qui est violoncelliste, que j'aurai d'ailleurs à l'antenne mardi 10 juillet. Donc ce sera autour de Dvorak, hein, concerto pour violoncelle numéro 2 en si mineur. Et enfin la symphonie numéro 9, dite symphonie du Nouveau Monde que vous connaissez. Hein, c'est bien entendu le générique de Michel pour La Parole est à vous pour ceux qui n'arrivent pas à situer. Enfin bref, ce sera pour ces deux concerts. Et enfin... un autre concert, cette fois d'entrée libre, hein, Camille Belin, qui jouera dimanche 8 juillet à 17h au kiosque de la Pépinière. C'est une pianiste qui va jouer du Mozart, hein, rondo en ré majeur, puis du Beethoven, sonate numéro 13 en mi bémol majeur, suivi de Rachmaninoff, sonate numéro 2 en si bémol mineur, suivi de Debussy, image premier cahier, et enfin Tchaïkovski pour son morceau Doumka. Donc voilà, ça c'est pour les nancyphonies. Je vous dérange pas plus longtemps avec la musique classique. Vous en doutez bien entendu, comme pour les nancyphonies, on a annoncé, c'est un festival de concerts. Et ça y est, on entre dans la rubrique concerts. Donc, je vous laisse déjà avec Steve de l'artiste qui nous raconte sa programmation à venir. Toujours dans les bars qui organisent des concerts, il y a bien entendu l'artiste à Golbey que vous le savez, j'annonce maintenant régulièrement. Et maintenant, j'ai trouvé plus simple que le communiqué. J'ai tout simplement Steve au téléphone. Bonjour Steve. Bonjour Lou. Alors, tu viens nous annoncer un petit peu les concerts qu'il y aura ce week-end et la semaine prochaine dans ton bar à Golbey. Alors, que va-t-il se passer chez toi ? Alors, on commence ce vendredi soir avec les Two Man Show. Là, c'est de l'humour. À 20h45, ils nous viennent de Nancy. C'est très drôle. Ça s'appelle Plus vrai que mature. Ils ont pas trop bien grandi, je crois. Donc, ça, c'est ce soir à 20h45. Et après, on a un mix reggaeton. On va danser dans la salle du bas, jusqu'à 2h du matin. Pour les jours à venir, mercredi prochain, de l'impro avec les Passes l'impro de Nancy également. Des improvisateurs complètement barrés. Ça, c'est mercredi soir à 20h30, toujours entrée libre. Et on aura également jeudi soir, c'est le karaoké au complexe Cartis. C'est une habitude, on fait le karaoké le jeudi soir à partir de 20h-21h. Là aussi, c'est entrée libre. Vendredi prochain, on aura de l'improvisation théâtrale également, avec une pièce de théâtre improvisée, avec des Spinaliens et des Nancyens qui viendront jouer suite à un stage qui se fera dans l'après-midi au complexe artiste. Et samedi soir, on finit la semaine avec un gros karaoké de 14 juillet. Voilà. Voilà, donc après tout ce qui aura lieu à nouveau. Alors sauf, je crois, le vendredi après-midi où je pourrais pas le répéter vu que ça aura lieu après la diffusion de l'émission. Les auditeurs le savent, le billet de sortie n'est pas en direct. Mais oui, dis-moi, il en est quoi de cette séance de théâtre d'improvisation? Ça m'intrigue. De celle de vendredi? Oui. Effectivement, Jonathan reviendra, parce que moi je suis également donc prof d'impro, et Jonathan qui est un peu de Nancy, qui vient proposer deux stages vendredi ouverts à tous pour travailler des choses plus précises en improvisation. Et le soir, on propose donc un concept à partir de ce travail de l'après-midi. On propose un concept d'improvisation longue, c'est-à-dire comme une pièce de théâtre improvisée, où on va donc écrire en direct une pièce de théâtre avec ce qu'on aura travaillé l'après-midi sur les principes du lien et de se planter en impro, c'est possible et ça marche quand même. Et oui, dans tous les cas, d'après ce que j'ai compris, les événements que tu organises sont gratuits, c'est ça? Oui, c'est ça. Alors, habituellement, globalement, oui, toujours. Tout ce que je vous ai dit là, c'est gratuit, effectivement. Parfois, effectivement, il y a des entrées payantes selon le groupe ou selon l'artiste. Mais là, effectivement, tout est gratuit, vous avez de la chance. En effet, on a de la chance, comme tu dis. Je ne sais pas s'il y a d'autres informations à rappeler à nos auditeurs. Vous pouvez trouver toute la programmation sur le www.complexlartiste.com. En un mot, complexe l'artiste. Il faut farfouiller un peu parce qu'il y a encore l'ancien site de nos prédécesseurs qui est encore bien installé. Et sinon, il y a aussi le Facebook aussi, complexe l'artiste. Vous avez toutes les informations de tout ce qui se passe, à quelle heure, quand, comment, sous quelle forme. Voilà. Eh bien, écoute, merci beaucoup, Steve, pour toutes ces informations. On se retrouvera, j'imagine, la semaine prochaine pour la programmation de la semaine suivante. Enfin, bref, tu connais. C'est quand vous voulez. Ok, écoute, merci beaucoup Steve, et puis bon courage et bonne semaine pour tous ces événements-là. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir. Et après Steve, c'est Rudy de l'Estaminet qui nous a aussi annoncé sa programmation et détaillé un petit peu ses apéros barbecue concert du dimanche soir. Donc je vous laisse avec Rudy. Quand on parle de festival et de musique, bien entendu, c'est bien aussi de regarder à la proximité, comme après tout, nous sommes à Saint-Étienne-lès-Miremont. Et s'il y a quelqu'un qu'il fallait bien que j'aie au téléphone un jour, c'est Rudy de l'Estaminet. Bonjour Rudy. Bonjour Lou, bonjour amis, auditrices, auditeurs de cette belle radio Gameuzo. Comment vas-tu? Je vais très bien, et toi? Eh bien, ça va fort bien, l'été démarre fort bien, avec le beau temps et de beaux événements à venir. En effet, et c'est ce pourquoi tu es là alors. Qu'est-ce que tu as à annoncer? Eh bien, j'annonce notre saison des apéros, concerts, barbecue, tous les dimanches de cet été à 18h. Rendez-vous pour un programme festif, familial, entre rock, jazz, pop. On a une programmation fort éclectique encore sur cette saison 2018. Ah, eh bien, dis donc, on a hâte de voir ça, et ça commence, j'imagine, déjà ce dimanche. Alors, qu'est-ce qu'il y aura ce dimanche? Eh bien, pour tout te dire, ça avait déjà débuté dimanche dernier, le 1er juillet, même avant les vacances, pour un petit rodage avec un super jeune homme qui s'appelle Dichotomy, qui faisait des reprises des années 70 à nos jours, de pop, rock, française et anglaise. Mais au programme ce dimanche... 8 juillet, le dimanche 8 juillet, place au blues avec Apro Blues Band Rock. Ils seront 4 sur scène, ça promet de déménager. Jean-Philippe Apro, c'est le leader de ce groupe, il était déjà venu il y a quelques mois chez moi, et il envoie un blues d'une excellente qualité. Ça c'est pour Jean-Philippe Apro, donc pour une soirée blues. Attends, dis-moi, ça commence d'ailleurs à quelle heure dimanche? Eh bien, tous les dimanches, on invite les gens à venir nous joindre aux alentours de 18h, 18h30. Nous, on allume le barbecue, on se met en place, et puis la musique, à proprement parler, démarre à 19h. On est en extérieur sur ma scénette sous mon petit chapiteau, et puis on va jusqu'à 22h. Voilà, le concept, c'est donc apéro, concert, barbecue. Hein, on a des merguez, des chipots, du lard, en plus de la musique, voilà. Un bon petit truc bien boosté, et puis sur pas mal de dates cet été, on a l'ami aussi Dom de la gastronomie à Dom, qui viendra également officier pour les repas avec des nems, du risotto, enfin selon son humeur, il sera là aussi pour le côté restauration en plus de la musique et en plus de notre barbecue. Dit comme tu parles de barbecue, hein, ça peut être la hantise de certains, un petit peu la mienne. Tu vas peut-être hurler si je te pose la question. Il y aura à manger pour les végétariens? Eh bien, justement, le côté vegan et végétarien, il sera assuré par l'ami Dom de la gastronomie à Dom. C'est-à-dire que quand il est pas là, ben nous on est encore traditionnel, hein, un peu old school. Nous on a que du barbecue, malheureusement. Hein. Mais c'est déjà bien d'avoir quelqu'un, un intervenant qui va proposer des repas pour les végétariens, végétaliens et véganes. Et dis-moi, bah toute cette nourriture, il faut bien la payer. Déjà, est-ce qu'il y a un prix d'entrée pour le concert? Ah non, comme tous nos concerts hors saison, c'est-à-dire automne, printemps, hiver, il n'y a pas de prix d'entrée. On majore simplement les consommations de 50 centimes. Et puis, les sandwichs, ils sont vendus au prix de 3,50 €. Mais l'entrée est libre au concert, voilà. On a la chance que la mairie de Vanier tolère que les dimanches soirs, on puisse fermer le petit parking qui est devant l'estaminet. Comme ça, vous pouvez tranquillement venir en famille et puis même laisser gambader vos marmots sur le parking puisqu'il n'y a pas de véhicules qui circulent devant le bar les dimanches soirs. Ah oui, donc il y a au moins voilà la possibilité de ramener toute sa famille, comme tu as dit, vu que ces soirées, ce sont des soirées conviviales, ce sont des soirées familiales où tout le monde peut venir, hein, tous horizons, tout régime alimentaire aussi, pour vraiment ouvrir ses horizons culturels. Dis-moi Rudy, d'ailleurs, ça fait combien de temps que tu fais ces dimanches barbecue musique? Ben écoute, moi je suis sur Vanier depuis 15 ans, au mois d'octobre ça fera 15 ans que je suis là, et puis le concept des apéro-concerts barbecue des dimanches, je crois qu'il a bien 7, 8, voire 9 ans, alors là je ne pourrais plus te préciser, le temps passe tellement vite. En effet, le temps passe vite, comme tu le dis, mais si tu continues, c'est que ça marche. Donc, pour les petits curieux qui ont jamais mis les pieds à l'estaminet à Vanier chez Rudy, ce sera l'occasion, surtout pour dimanche, une soirée en blues, c'est ça, oui, avec Jean-Philippe Apro. Tout à fait, et on sera là sur le pont tous les dimanches de l'été, avec cette formule apéro concert barbecue jusqu'au dimanche 2 septembre inclus. Ah, et bah comme écoute... Comme tu me le disais tout à l'heure, je pense qu'on reparlera du programme des dimanches suivants, certainement la semaine prochaine ensemble, puisque tu me proposais qu'on se rappelle assez souvent dans l'été. En effet. Mais si jamais on se loupe vendredi prochain, eh bien, je t'annonce que le 15 juillet, on aura la belle Sawadi, une superbe chanteuse qui sera là sur notre scénette dimanche prochain. Voilà donc les programmes de ce dimanche 8 juillet et du dimanche 15 juillet. Ah bah écoute, merci beaucoup Rudy. S'il y a des informations complémentaires, j'imagine qu'il y a peut-être un site internet ou une page Facebook à ton bar. Voilà, alors la page Facebook c'est Rudy l'Estaminet Vanier. Oui. Et puis la page c'est l'Estaminet, tout simplement. Ah bah écoute, merci beaucoup Rudy. En attendant de te retrouver la semaine prochaine pour annoncer le concert suivant, en espérant que j'attrape pas un nouveau rhume. Eh bien, soigne-toi Lou, et puis merci d'avoir fait cette démarche, et puis merci à Radio Gamozo qui depuis de nombreuses années, eh bien, nous aide à faire vivre nos idées culturelles et peut-être aussi commerciales, parce qu'il faut bien en vivre. En effet, tu as raison, il faut bien en vivre et ce sera l'occasion d'en savoir plus sur toi dimanche à l'Estaminet à Vanier, donc au centre de Vanier, si je ne m'abuse. Donc allez y faire un tour, hein, ce sera l'occasion, en plus l'entrée est gratuite. Bah écoute, merci beaucoup Rudy pour ton temps et bon courage pour dimanche. Merci à toi Lou et à très bientôt. À bientôt, salut. Et en dernier concert, hein, d'ailleurs juste après, on va se passer un morceau qui me tient un peu à cœur. Donc dimanche à 17h, ce sera Gioita et Debo Gioti en concert privé chez Florence Bouvenet à Épinal. Donc c'est un concert de musique classique indienne. Les réservations se font au 06 16 86 63 06. Et d'ailleurs, tant qu'à faire, juste après, j'ai envie de passer un morceau de Sia, Never Give Up. Donc je crois que c'est le seul même que je vous aurais annoncé. Enfin bref, je vous laisse avec le morceau de Sia. Et enfin, on va finir sur la rubrique manifestation. Comment ne pas parler de manifestation, surtout avec les événements qu'il y a autour de l'hôpital. Donc, lundi 9 juillet à 20h30, il y aura un débat citoyen au Centre culturel Gilbert Zog sur la DMAT H qui révèle des plans de l'ARS, l'Agence régionale de la santé. Et j'ai eu Jean Tisserand en interview par téléphone. Donc, je vous laisse avec cette interview et on se retrouve juste après pour la conclusion. Les auditeurs le savent maintenant, hein, la cause de l'hôpital est chère à tous, hein, et même à Radio Guémozo, vu que vous en doutez, je prends régulièrement des nouvelles de l'association ADMAT H avec Jean Tisserand qui est avec nous au téléphone aujourd'hui. Bonjour Jean. Bonjour Lou, bonjour les auditeurs de Guémozo. Alors, si je vous ai au téléphone aujourd'hui, c'est parce que vous organisez, ou du moins l'ADMAT H organise ce lundi 9 juillet à 20h30 un débat citoyen ouvert à tous au Centre culturel Gilbert Zog à Remiremont. Dites-moi, de quoi va-t-il en retourner ? Alors, effectivement, lundi soir au Centre culturel, nous allons recevoir toute la population qui voudra bien venir et y compris aussi les personnels hospitaliers, parce que nous avons eu connaissance d'un document important préparatoire de l'Agence régionale de la santé concernant les restructurations de l'hôpital. Et ce document est pour l'instant un petit peu resté lettre morte et nous voudrions le rendre public et informer toute la population de ce qui va se passer. Après la fermeture partielle de la cardiologie, l'Agence régionale de la santé et ce directeur de l'hôpital veulent s'en prendre à la continuité des soins en arrêtant les gardes de chirurgie et les astreintes de chirurgie de week-end et de nuit. Et ils se proposent de transférer toute chirurgie qui ne serait pas de la chirurgie ambulatoire, c'est-à-dire de la petite chirurgie, sur Épinal. Voilà, c'est grave. Oui. Et il y a un risque de supprimer les lits de chirurgie. Comme la chirurgie ambulatoire, on rentre le matin, on sort le soir, il n'y aurait plus de lits de chirurgie, plus de services de chirurgie en tant qu'hospitalisation. Et c'est quand même des choses assez graves et nous voulons les dénoncer, les expliquer. Texte à l'appui, hein, nous avons le document d'origine. Voilà. Voilà, et donc vous allez dénoncer tout important. Ça. C'est important. Oui. Oui, et c'est important de cesser cette politique du silence, de tout cacher. Je pense qu'il faut tout dire, il faut dire la réalité des choses, voilà. Oui, je suis en effet d'accord avec vous. Il faut informer la population et comme je le rappelle, hein, il est ouvert à tous ce débat au Centre culturel. Centre culturel, oui, à 20h30, on passera le diaporama concernant ce document et surtout nos commentaires. Nous dirons de quoi il retourne, nous expliquerons en large de quoi il s'agit exactement. Voilà. Il y aura certainement Madame Chevalier qui sera présidente de la commission médicale d'établissement qui sera avec moi. Donc oui. On aura deux points de vue. D'accord, différents, oui. Différents, oui. Différents points de vue. Et dites-moi, ce projet de l'ARS, donc l'agence de réduction sanitaire selon le papier, je suis pas sûre que ce soit ça, c'est plutôt l'agence régionale de la santé. Ce projet, il est juste pour l'hôpital de Remiremont ou pour plus d'hôpitaux en France? Alors c'est pour plus d'hôpitaux en France, on tend actuellement vers, c'est peut-être pas tout à fait ça, mais ce serait presque un hôpital par département, un hôpital qui a une activité de chirurgie, de médecine et d'obstétrique telle qu'on la connaissait dans les hôpitaux généraux jusqu'actuellement. Et les autres hôpitaux seraient appelés, je ne sais pas sous-entendu, on parle d'hôpitaux dits de proximité, c'est en fait des EHPAD, des hôpitaux pour personnes âgées légèrement améliorés. Voilà, ce serait un déclassement de beaucoup d'hôpitaux et derrière le terme proximité se cache cette dévalorisation, cette dépréciation des centres hospitaliers généraux comme celui de Remiremont, voilà. Et c'est grave, hein. Et sous ce terme de proximité qui est un terme relativement bien apprécié par les concitoyens se cache une autre réalité bien plus triste. Mais vu que vous dites que ce sera comme des EHPAD pour améliorer, donc ce sera vraiment que pour des personnes du troisième âge? Oui, à peu près, oui. Il n'y aura plus de médecine de spécialité, C'est ce qui se passe avec la cardiologie. Il n'y aura que de la médecine générale en hôpital, et surtout pour des personnes âgées. Et plus de chirurgie, sauf éventuellement un peu de chirurgie en ambulatoire, où les gens sortent le même jour, quoi. Oui, en effet. C'est une dégradation importante de la qualité de ces hôpitaux-là, hein, pour des raisons, bien entendu, d'économie, hein, uniquement. On ne parle uniquement que en termes d'économie, et on éloignera encore la population des Vosges et de la Haute-Saône des possibilités de soins telles qu'elles existent à Remiremont. Il faudra aller soit à Vesoul, soit à Épinal, enfin, les chefs-lieux de département, le plus souvent. Oui, et puis ça en fait de la route, hein, pour Épinal, nous ça va, on n'est pas trop mal lotis avec la voie rapide, mais Vesoul, il me semble, il y a quand même un minimum de route. Oui. Et vous avez dit que ça concerne plusieurs hôpitaux en France. Je pense aussi à la manifestation à laquelle vous avez participé à Paris le 23 oui. juin, si je me trompe pas. Oui. 24. Comment ça s'était oui. passé? Ben, ça s'est très bien passé. C'était une manifestation statique sur la place de la République. On ne marchait pas. Il y avait des stands où on défendait l'hôpital public et les services publics en général, parce que les services publics sont relativement agressés actuellement. Le mot d'ordre général est de réduire tout ce qui est dépenses de services publics et de les supprimer, de les transférer à d'autres dans le privé, quoi. Voilà. Et c'était bien. Il y avait pas mal de représentants syndicaux, politiques, qui ont pu intervenir. Et je pense que c'est bien que le politique prenne un petit peu les responsabilités et parle un petit peu. Puisque on est actuellement victime d'une technocratie, hein, des hauts fonctionnaires qui ont pris un petit peu le pouvoir, autant dans les ministères que dans les agences régionales de la santé, et que les politiques ont un petit peu abandonné ce terrain-là, et c'est dommage. Oui, en effet. Voilà, c'est très dommage. Et c'est pas mal qu'il y ait eu cette manifestation, qui était tout à fait bon enfant, sympathique, et qui a dit des choses, il y a eu beaucoup de prises de parole, et qui ont dit des choses tout à fait vraies, hélas, que tout le monde connaît. Voilà. Donc j'en reviens encore une fois, vu que vous avez dû rencontrer des gens qui avaient aussi des informations là-bas et vous avez fini par avoir d'autres informations concernant l'ARS que vous divulguerez lundi 9 juillet à 20h30 au centre culturel Gilbert Zog à Remiremont, oui. juste en face de la mairie. C'est vrai qu'on a tendance à dire qu'on sait pas où il est, mais quand on sait où est la mairie, on le trouve tout de suite. C'est en face de la mairie, en face de la caisse d'épargne, sur la place de la mairie, voilà. C'est important que tout le monde vienne nous soutenir. Et nous sommes en préparation d'une manifestation pour s'opposer à ce qui est écrit et ce qui risque d'arriver pour le 12 juillet à 18h30. Nous serons sur le parking du parc exposition au-dessus de l'hôpital. Bon, rendez-vous à 18h30 le 12. Ah ben, super, le c'est message est passé. C'est la suite. Oui, ben, c'est noté. Je crois qu'il faut intervenir avant que les choses mauvaises n'arrivent. Il faut absolument se mobiliser, après c'est trop tard, voilà. Je suis en effet d'accord avec vous, Jean. C'est noté, hein, on le rappellera aux auditeurs le moment venu, donc le 12 juillet 18h30 sur la place du... J'ai oublié comment ça s'appelle, juste à côté de l'hôpital. C'est le parc exposition à Remiremont, oui. qui est au-dessus de l'hôpital. Voilà. Voilà. Hein. Le parc expo, voilà. Donc voilà, merci beaucoup Jean, hein. Je rappellerai encore une fois tous ces événements. Mais en attendant, un lundi 9 juillet, pour ceux qui veulent en savoir plus oui. sur les plans de l'ARS, hein, rendez-vous au Centre culturel Gilbert Zog pour un débat citoyen ouvert à tous, pour connaître un petit peu plus les plans de l'ARS concernant l'hôpital de Remiremont et d'autres hôpitaux. Ben Jean, merci beaucoup de m'avoir merci accordé votre Lou, temps. Et merci à tous nos concitoyens qui nous font confiance et qui viendront nous soutenir. C'est soutenir leur hôpital, c'est leur hôpital. En effet. Merci. Merci beaucoup. À vous. Au revoir. Au revoir. Ladies and gentlemen. Ah, ça y est, vous l'avez entendu, le générique a pointé le bout de son nez. Et donc, avant de se dire au revoir, comme d'habitude, ce sera le moment de faire la programmation de la soirée. Donc, juste après à 19h, c'est la rediffusion de notre Action Slam, suivie à 21h de Mosaïque avec François, et de minuit à 1h, rediffusion de la Bulle de Lia qui a reçu ce midi l'Asinerie des Hautes-Vosges. On se retrouvera demain matin, 7h-8h, pour la rediffusion de l'émission que vous avez écoutée à l'instant, suivie à 8h30 de l'émission Les Vosges, ça me dit, pardon, avec Hélène. Puis de 10h à 11h, c'est Musette Partie avec Cyril Renaud. Après samedi après-midi, ce sera à partir de 14h hors format avec Mika. Puis à 21h, Rock à la Casbah. Puis de minuit à 1h, à partir de minuit, pardon, rediffusion de Jukebox de jeudi. Et on se retrouvera dimanche. Et d'ailleurs, c'est pas marqué, mais la rediffusion aussi du billet de sortie se fera samedi soir de 19h à 20h. Et donc, je passe à dimanche. Donc, à partir de 7h, c'est la rediffusion de Musette Parti avec Cyril Renaud que vous aurez écouté la veille samedi. Puis à partir de 10h, ce sera rediffusion de Salut les 60 avec Gérard. À partir de 16h, c'est J'ai aimé, je vous le lis avec Dominique. Puis Les années bonheur avec Gilou à partir de 18h, toujours dimanche. Et enfin, à 22h, ce sera Just Time de Radio Déclic avec ensuite une playlist d'une heure et demie de jazz. On se retrouvera lundi de bonne humeur avec de 18h à 19h. Pour le café-bar à Saint-Amé, le Potter Laca. En attendant, je vous souhaite un très bon week-end, de bonnes sorties aussi, vu qu'il y a des choses à faire. Enfin bref, je ne vous retiens pas plus longtemps. Je vous souhaite à tous une très belle soirée, un très bon week-end, et à lundi sur Radio Gémozo. Bonne soirée à tous!